danse avec les hyènes. Surveille tes jambes quand tu danses avec les hyènes. Ambiance presque primitive. Je grandis en France comme en préventive. L'espoir du bitume, le phare de mon écriture. Conscient que la conscience, la bataille était définitive. Les gens t'encourent avant que le monde te chope. Résiste à l'onde de choc. Ramène ta flamme, faut que tout le monde se chope. On pense valeur, on se dit c'est pour tout à l'heure. Putain c'est malheureux, mais y'a que l'euro qui nous remonte le choc. C'est rare Mahlel dans l'investissement. La vie nous fout en première ligne, terrain mine et sans avertissement. Prétexte nocif, mes textes explosifs. Un flot corrosif, du mal à faire dans le divertissement. Le poids des actes sur les clavicules. Trempé dans le radical. Chacun l'empégué sous la canicule. Surveille tes jambes quand tu danses avec les hyènes. Crois pas les faces des chans, faut que tu passes avec les tiennes. Danse avec les hyènes, c'est plein de morsures dans le 1330. Reste un sauvage dans l'écriture, faut que les traîtres entrent. Dans la zone, c'est comme la jungle, jamais à l'abri. Reste sur tes gardes, frère, toujours sur tes gardes. Bouge pas trop, tu t'écartes. Ensemble, quoi qu'il advienne. Danse avec les hyènes, viens, danse avec les hyènes. Tu comprendras pourquoi on s'acharne. On veut une place de pacha. Péret anti-char, vas-y bouge avant que ça charge. J'suis pas du char expansif, t'as dû le remarquer. Quand je rappe c'est trop intensif. Depuis là j'ai débarqué. Je suis pas venu pour bâcler, je suis ici pour charcler. C'est du rap de Sarrazin, mais pas signé chez Barclay. Envie de tirer ma cartouche, envie de vider mes cartouches. Envie que Peritas aussi connu que la famille partouche. On veut le palpable, si ton cœur palpite. Montrer de quoi on est capable. Et tant pis si on a pas de beat. Mais ce qui importe c'est que de nous on donne le meilleur. Si mon coup s'exporte, c'est pour le pire et le meilleur. On est dans le fond, mais on coule pas. Dans la vie faut que tout le monde sache faire son mea culpa. Tous ceux qui m'aiment pas, je vais tous les piner. Leur faire porter le string et un par un les faire tapiner. Fini l'époque, je disais au prof faut bien me noter. Maintenant s'esquive les stars pour pas se faire me noter. J'étais femme à cause et tant pis si je suis banni. Mais j'oublierai jamais ce qu'on fait pour nous les Shibani. Chacun son langage, ses lois et ses cultures. Mais au final, on ira tous dans la même sépulture. On sait que c'est plus dur pour un arabe de percer. Moi je sais où je vais, je suis pas du genre à me disperser. On vient tout tenter, faire le forcing d'entrée. Vice percé jusqu'à défoncer la porte d'entrée. Danse avec les hyènes, c'est plein de morsures dans le 1330. Reste un sauvage dans l'écriture, faut que les traîtres entrent. Dans la zone c'est comme la jungle, jamais à l'abri. Reste sur tes gardes frère, toujours sur tes gardes. Bouge pas trop, tu t'écartes. Ensemble quoi qu'il advienne. Danse avec les hyènes, viens, danse avec les hyènes. Tu comprendras pourquoi on s'acharne. On veut une place de pacha. Péret anti-char, vas-y bouge avant que ça charge. Et là j'te parle au nom de plein de chacals. J'ai décoffré un peu de ma rage, fallait bien que je la cale. Allume un joint que je la cale, dans le vacarme. Chaque cerveau à chaque âme, chaque nerveux à chaque jungle urbaine. Faut qu'on placarde, c'est le blackout. C'est quand j'ai pas rayable que t'as les crocs qui poussent. Me demande pas de baiser en douce, j'ai le micro qui tousse. J't'invite à entrer dans la danse, prends confiance, y'a pas de morsure. Laisse tomber si t'es pas encore sûr. C'est la vie qu'on mène qui fait qu'on est autant barbare. C'est le combat qu'on mène pour les frères berbères. Si t'es pas content, vas-y pars. Tu leur diras que Beretta, ça vient de berbère. J'suis là pour te faire taire, j'ai pas d'autre alternative. J'suis né en France, mais le bled reste ma terre native. Faut pas saigner, on peut dire adieu. Barak, ici on veut régner aussi longtemps qu'on se nie Moubarak. Danse avec les hyènes, c'est plein de morsures dans le 1330. Reste un sauvage dans l'écriture, faut que les traîtres entrent. Dans la zone, c'est comme la jungle, jamais à l'abri. Reste sur tes gardes, frère, toujours sur tes gardes. Bouge pas trop, tu t'écartes. Ensemble, quoi qu'il advienne. Danse avec les hyènes, viens, danse avec les hyènes. Tu comprendras pourquoi on s'acharne. On veut une place de pacha. Péret anti-char, vas-y bouge avant que ça charge.